France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 158. Bienvenue à toi dans ce monde archiloufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 12 avril 2009, 11h05. Bonjour à toi, l'ami! Avant tout ce matin, dans Panique au Mangin Palace, tu es pour le moins décontenancé par l'empathie de Silvio Berlusconi à l'égard des victimes de ce tremblement de terre en Italie. Ah, les tremblements de terre, oui, il y a des sans-logis, mais bon, c'est sympa, ils n'ont qu'à prendre ça comme un week-end en camping. Les immigrés qui se noient dans la mer pour venir en Italie, ah, ils n'ont qu'à prendre ça comme un cours de plongée sous-marine. La famine en Afrique, moi, ils n'ont qu'à prendre ça comme un régime. Dans 2 mois, c'est l'été, sur la plage, ils vont frimer dans leur maillot de bain. Oui, tu l'as bien compris, l'ami, ce matin, tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose durant 53 minutes d'organiser un beau barnum burlesque autour des actualités manipulées par le prince du monde. Alors communions ensemble, chers amis, au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du jodassaint esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux panorama contre les assauts de la morosité. Eh bien, selon notre protocole, nous commencerons bien sûr par notre espiègle-office laïque et freudien, durant lequel ce matin, tels des huissiers, nous dresserons un fantaisiste procès-verbal de la désintégration du contrat social. Dans la foulée, en ce dimanche de Pâques, afin d'enrichir ta culture religieuse, nous avons cru bon de t'offrir une petite relecture des derniers jours de la vie de Jésus, de la scène au Golgotha. Ensuite, sache que le 12 avril 1633 culminait à Rome, sous les joyeux auspices du Saint-Office, l'odieux procès de Galilée. Eh bien, figure-toi que le souvenir de cette sombre affaire judiciaire a réveillé chez nos fantômes de l'INA de vieilles querelles dogmatiques que nous ausculterons ici avec délectation. Immédiatement après, direction Grosboule-les-Bains, d'où nous serons en léger différé ce matin pour te raconter la curieuse chasse aux œufs de Pâques que vont entreprendre tout à l'heure Monique, Jean-Claude et leur môme. Et puis, comme d'habitude, nous enchaînerons par les tribulations de notre facétieux reporter lancé sur les routes de Paris-Roubaix où il a découvert sous les pavés des nains de jardin. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte sévèrement le son et séquestre-toi! the basement. Why we got good shit, don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're on the runway, track on the good. I only painted a picture, tell it where we could be. Yeah, like a heart in a dash where it should. You done gave it away, you had it till you took your pick. But I keep walking on, keep open doors, keep hoping for that the call is yours. Keep those on hold, cause I don't wanna live in a broken home. Girl, I'm back. Begin, c'est la prière du groupe norvégien Madcon, l'abréviation de Mad Conspiracy, autrement dit la folle conspiration. Au passage, c'est ce qu'a reproché cette semaine Jean-Luc Mélenchon au député UMP Pierre Lelouch, traduction pour Mélenchon, entrer dans l'OTAN, c'est se mettre au service de la CIA. Exactement, voilà ce que vous êtes. C'est ça l'argument, CIA. Oui, c'est ça, parce que vous m'empêchez de parler et vous empêchez d'avoir un débat argumenté. Je suis peut-être CIA, mais vous êtes un pauvre type, Mélenchon. Bon. Ça, comme niveau de débat, c'est minable. Au 19e siècle, je vous convoquerai en duel et je vous flinguerai. Et ce serait mérité. Eh oui, visiblement, c'est le grand retour du Far West où les dingues veulent faire parler leurs flingues. Mais bon, éloignons-nous de cette minable parodie de western, puisqu'il est temps maintenant pour toi de te vautrer confortablement afin que nous entamions ensemble les modestes aventures laïques de ce 158e épisode du Mangin Palace. Et bien entendu, à 11h11, c'est l'heure de notre petite messe freudienne en compagnie de monsieur Divan Beaujolais, le fieffé sacripant de nos coursives, avec qui nous avons endossé la panoplie des huissiers pour dresser ici ce matin un fantaisiste procès-verbal de la désintégration continue de notre contrat social. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. Est-ce que vous sentez une montée... Camarades miséreux, j'ai pas besoin de vous dire... globale du niveau de violence... Nous avons perdu notre activité. Non. De colère et d'inquiétude... Nous avons aucun droit. Non. Dans la société française... Oui, oui. Sauf celui de nous taire. Non. En réaction à la radicalisation du pouvoir public, de l'État et du patronat. C'est toujours les mêmes qui sont les rois. Absolument d'ailleurs. Ce qui est en cause là maintenant, je crois, je le dis sincèrement, hein, c'est le droit de manifester. Ça, en plus de la restriction des libertés publiques, du droit de grève aussi, dans les conflits sociaux actuels, dans le cadre de la crise économique. La conjoncture économique est terriblement fluctuante. Vous voyez qu'il va pleuvoir ? On a affaire à d'abord l'État et puis un patronat qui non seulement ne lâche rien, mais qui refuse d'avoir un minimum d'interlocuteurs. En tout cas, comptez pas sur moi pour financer les bains de mer juvéniles, les liachines prolétariens, j'ai plus un rond. Préparez-vous demain à une journée perturbée sur les ondes de France Inter. Il souhaite vous poser quelques questions avant que vous partiez. Jusqu'ici, la convention collective était commune à France 2, France 3, RFO, RFI, Radio France et l'INA. Avec la mise en place de la loi audiovisuelle publique, ces entreprises vont devoir renégocier chacune dans leur coin. À la vitesse où vont les choses, nous aurions peut-être intérêt à constituer un fonds de prévoyance. L'intersyndicale craint que certains acquis sociaux soient remis en cause. Pour sa part, la direction affirme qu'elle ne touchera pas aux acquis sociaux. Je vous jure sur mon honneur, que j'ai de plus sacré. Mais qu'elle souhaite dépoussiérer une convention qui date du début des années 80. Mais ils nous lâcheront jamais les baskets. 27 000 reconduites aux frontières pour 2009, 5 500 interpellations d'aidants de sans-papiers. C'est nouveau ça. À la manœuvre, le ministre de l'Immigration, Éric Besson, qui met un réel zèle à accomplir sa mission, quitte à prendre des coups, à participer à un débat sur l'immigration. Le ministre a accepté le défi et de fait, ça a tangué. C'est une petite phrase lâchée après le débat qui résume le mieux l'état d'esprit d'Éric Besson. Accès interdit, entrée à vos risques et périls. J'essaie de montrer qu'on peut être à la fois ferme et humain. Frappez et vous mourrez. Vous devriez repartir, les intrus seront castrés. C'était un peu chaud, mais en politique, faut avoir des cojones. On leur coupe les couilles, en plus. Effectivement, la soirée a été chaude. Avant le débat, environ 200 militants de gauche obligent le ministre à entrer dans la mairie par la porte de derrière. Alors là, vous exagérez. Vous débarquez ici sans y être convié. Je me permets de vous rappeler qu'à ce titre... Bonjour Frédéric Pommier. Bonjour Nicolas Demorand, bonjour à tous. Tous les journaux reviennent en effet sur la déclaration de Ségolène Royal à Dakar. Elle a demandé pardon pour les propos de Nicolas Sarkozy sur l'homme africain pas encore entré dans l'histoire. François Fillon a invité l'ancienne candidate à la présidentielle à plus de retenue et dignité, et d'autres voix à droite se sont élevées pour condamner. Tel Jean-François Copé fustigeant une déclaration à la fois scandaleuse et écœurante. Ça doit être vraiment emmerdant pour vous les gars, non ? Mais au sein du Parti Socialiste, ses soutiens généraux, que des amis. Tout le monde fait bloc, et même Martine Aubry s'est dite heureuse des propos de Ségolène Royal. Mon petit cœur, serre-nous quelque chose à boire, veux-tu ? Nous allons célébrer une association qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Eh ben, les pieds nickelés se renforcent. Alors maintenant, après ce capharnaüm politique, à l'heure où les chrétiens célèbrent Pâques, nous avons cru bon ce matin de t'offrir ici une petite relecture de la Passion du Christ à la lumière des Saintes Écritures. Ainsi, voici l'histoire des derniers jours de la vie de Jésus d'après l'Évangile selon saint Jean. À quelques jours de la Pâque juive, Jésus se dirigeait vers Jérusalem. Les gens venus en foule pour la fête avaient cueilli des rameaux de palmiers et sortirent à sa rencontre en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui entre au nom du Seigneur !» Jésus, qui arrivait de Bordeaux et qui avait décidé de ne plus manger de cerises en hiver, avait trouvé un petit âne pour faire son entrée en ville sous les acclamations. Alors c'était vrai, tu es de retour ? Je le suis. Mes frères, je vous demande un peu de silence. Comment allez-vous, mon brave ? Tenez, voici une pièce. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Maître, pendant ton absence, j'ai occupé ta demeure. Daigne la reprendre. Et puis, ne vois-tu pas qu'il se moque du pouvoir temporel ? Ah, ta gueule ! Très bien, j'accepte. Qu'on m'amène mes bottes et qu'on me débarrasse de cet animal odorant. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit enfin resplendir, ajouta Jésus. La lumière est avec vous pour peu de temps encore. Alors marchez tant que vous avez la lumière, afin que la nuit ne s'empare pas de vous. Celui qui marche dans le noir ne sait pas où il va. Et tant que vous avez la lumière, faites confiance à la lumière et devenez ses enfants. Ayant dit ces choses, Jésus s'est éloigné pour préparer le dernier dîner. En vérité, je vous le dis, avant la fin de cette nuit, l'un de vous me reniera trois fois. Seigneur, comment peux-tu croire que l'un de nous pourrait te trahir ? Tous ici, nous sommes prêts à te suivre jusque dans la mort. Oui. Est-ce que tout le monde prendra de la soupe ? Laisse-nous, nous avons à parler. C'est peut-être notre dernier repas. Et moi, ma première commande. Une toute petite question et je vous laisse. Est-ce que je fais une addition pour les 13 ou est-ce que chacun paie sa part ? Je vous en prie. Sortez, laissez-nous. Très bien, je vous laisse. Ah, Leonardo. Buongiorno. Un instant, je... Non, ça va, garçon, c'est pour un portrait de groupe, laisse-nous. Après ces paroles, Jésus se rendit avec ses apôtres au-delà du torrent Cédron, où se trouve un jardin, celui des Oliviers. Là, quelques disciples, dont Pierre et Matthieu, se demandèrent entre eux quelle pouvait bien être la signification symbolique de ce dernier repas où il fut question du sacrement de l'Eucharistie. Par le sacrement de l'Eucharistie, l'hostie devient le corps du Christ. Qu'on le veuille ou non, il y a transsubstantiation. C'est tout différent. Je voudrais bien, mais j'avoue que je ne comprends pas. Ça me dépasse. L'hostie est le corps du Christ, c'est tout. Moi, je me dis toujours que le corps du Christ est contenu dans l'hostie, comme le lièvre dans ce pâté. Comment ? Oui, je veux dire que c'est du lièvre et qu'en même temps, c'est un pâté. Une fois dans l'estomac, qu'est-ce qui devient le corps du Christ ? Qu'est-ce que vous faites là, vous ? Vous avez vos papiers ? Oui. Allez, foutez le corps. On vous a assez vu. Dehors. Bonsoir, messieurs. Jésus, qui savait tout ce qui l'attendait, s'avança et demanda à ces messieurs qui venaient d'entrer dans le jardin des Oliviers, « Qui cherchez-vous ? Jésus de Nazareth, répondirent les pharisiens, conduits jusqu'ici par le traître Judas. Le Fils de Dieu fut arrêté, puis conduit chez le grand prêtre Caïphe pour un interrogatoire, avant d'être présenté à Ponce Pilate, le préfet romain de la Judée, qui voulut en savoir un peu plus sur la culpabilité de Jésus. Il le fit appeler et lui demanda « Es-tu le roi des Juifs ?» Ce à quoi Jésus lui répondit avec beaucoup d'humilité. « La marche du vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du malin. Béni soit-il l'homme de bonne volonté qui, au nom de la charité, se fait le berger des faibles qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes, car il est le gardien et la providence des enfants qui se sont égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les impies qui pourchassent et anéantissent les brebis de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel quand s'abattra sur toi la vengeance du Tout-Puissant. » J'avais jamais cherché à comprendre. Je trouvais seulement que ça en jetait de dire ça avant de flinguer un mec. Et puis ce matin, j'ai vu quelque chose qui m'a fait réfléchir. D'un seul coup, je me dis, c'est moi le berger et toi l'homme vertueux. Et c'est le monde qui est l'œuvre de Lucifer. Décontenancé, Ponce Pilate décida de faire saisir et fouetter Jésus. C'est ainsi que les soldats romains, ayant tressé une couronne avec des épines, la posèrent sur sa tête, puis le revêtirent d'un manteau pourpre avant de se présenter devant Jésus pour l'humilier. Et tu rends tout, hein? T'as sa jupe! Allez, dégrafe ta sa jupe, l'autre. Il était pas mal, dégrafe sa sa jupe. La Laguna Diesel, elle est réglée. Allez, hop, plus de Laguna Diesel. Allez, terminé. Hop! Le vin, tu le boiras plus dans les calices, hein. Terminé dans les verres à moutarde, comme tout le monde. Hein. Fini. Voilà. Allez. Voilà. Terminé, voilà ce qu'il a gagné. Ensuite, le moment fut venu où Ponce Pilate présenta Jésus et le brigand Barabbas à la foule de Jérusalem pour qu'elle choisisse de gracier un condamné comme l'exigeait la coutume pascale. La foule hurla de libérer Barabbas. Elle fut entendue et Jésus fut alors condamné à la crucifixion. Je m'en lave les mains, c'est ainsi que Ponce Pilate s'exonéra devant l'histoire. Portant sa propre croix, Jésus arriva au lieu dit du crâne et commença son ascension du Golgotha vers midi 45. 12h45, les visiteurs, ou plutôt les pèlerins, se pressent au pied du Golgotha pour assister avec mouchoir et caméscope au clou du spectacle. À la crucifixion, c'est le plus pénible. On se fait tout le temps mal. Avant-hier, je me suis tordu le doigt. Une autre fois, un spectateur a surgi devant moi pour prendre une photo. J'ai dû bouger ma croix et je me suis écrasé les lombaires. En tout, j'ai été crucifié 3000 fois. Mais c'est un tel plaisir. Au pied de la croix de Jésus, entre les deux larrons, se tenaient sa mère et Marie-Madeleine. Jésus leur dit « Tout est fait » et inclinant la tête, il rendit son dernier souffle. Le tonnerre retentit. Après ces événements, le disciple Joseph d'Arimathie prit le corps de Jésus, l'enroula dans des linges et, proche du lieu où il avait été crucifié, Joseph d'Arimathie déposa le corps de Jésus dans un tombeau. Mais 3 jours plus tard, Marie-Madeleine constata que la pierre du tombeau avait été enlevée. Elle se précipita pour prévenir quelques apôtres qui se rendirent aussitôt sur les lieux afin de descendre jeter un œil dans ce tombeau souterrain. Mais qu'est-ce qu'on vient faire là, Martine ? Chez nous, dans le Nord, dans chaque famille, il y a un mineur. Et c'est ça qui fait notre identité, notre solidarité. À la mine, on descendait soudés, solidaires. C'est pour ça que le Nord, c'est bien. Le Nord, c'est bien ? Mais c'est pas une mine. Mais non, là, on fait semblant pour Martine. C'est juste la cave du particelle lisse. C'est moi ou ça sent le gaz ? Oui, j'ai descendu une bonbonne que j'ai laissée ouverte. Parce que chez nous, dans le Nord, ce qui nous a toujours vraiment soudés, c'est le coup de grisou. Dépités, les disciples, ensuite, retournèrent chez eux. Marie-Madeleine, en larmes, resta dehors, près du tombeau. Elle se baissa, en pleurs. Quand soudain, elle aperçut 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où avait été couché le corps de Jésus. « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » entendit Marie-Madeleine. Elle se retourna et vit derrière elle Jesus. Le soir du même jour, dans la même maison où se tenaient les apôtres, Jésus arriva parmi eux et leur dit « Soyez en paix, Christ est mort, Christ est ressuscité. » C'est bien lui, en chair, en os et en robe de bure. Cerné par les fidèles qui se bousculent pour être immortalisé à ses côtés, Jésus vit désormais à Orlando. Coincé entre une bretelle d'autoroute et un hypermarché, ce parc d'attractions s'inspire du Nouveau Testament et de Disneyland. Deux fois par jour, le Christ, équipé d'un micro, remet sur pied des figurants paralytiques et redonne vie à Lazare. Depuis la construction de cette Jérusalem en polystyrène il y a 8 ans, 2 millions de visiteurs ont payé chacun $40 pour apercevoir le Christ. Aujourd'hui, comme hier, les marchands du temple se portent à merveille. We lost our way. C'est Chris Isaak qui a perdu son chemin depuis qu'il a été viré de son Blue Hotel. Eh oui, aujourd'hui, c'est la crise, Isaak. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour. Devinette. Oui. Elle est longue, elle est dure et on la sent quand on met la main à la poche. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. La crise. Alors maintenant, après la lecture des évangiles, à notre sauce, la panique au Mangin Palace ouvre sans plus attendre, à 11h28, sa singulière séquence consacrée aux actualités du lointain. Avant tout, sache que le 12 avril 1633, l'astronome italien Galilée déposait devant le tribunal de l'Inquisition ses derniers éléments de défense dans le procès chargé de condamner ses thèses coperniciennes. Et figure-toi justement que cette semaine, les fantômes des voix de Lina ont été atterrés par les gesticulations de quelques catholiques réactionnaires. Alors, écoutons attentivement l'étonnant récit de notre Bernard l'ermite planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tend bien l'oreille et découvre ainsi la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, nous étions atterrés. Jeudi soir, quelques catholiques réactionnaires, nostalgiques de l'Inquisition, se sont amusés à rejouer le procès de Galilée. Attendu, tous les faits et causes qui sont apparus dans le procès, nous disons, prononçons, sentencions et déclarons que toi, Galilée, tu t'es rendu véhémentement suspect d'hérésie devant le Saint-Office pour avoir tenu et adopté la doctrine fausse et contraire aux Écritures saintes et divines, que le soleil est au centre du monde et immobile, tandis que la terre n'est pas au centre et se meut. Opinion que l'on ne peut tenir ni défendre pour probable, alors qu'elle a été déclarée et définie comme contraire à la Sainte Écriture. Depuis le XVIIe siècle, rien n'avait changé, à part la Sainte Écriture, qui avait été un peu réactualisée. Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre ? A, la Lune, B, le Soleil, C, Mars, D, Vénus. C'est maintenant qu'il faut voter, merci. 56% pensent que le Soleil gravite autour de la Terre. 42% pensent que la Lune gravite autour de la Terre. Devant tant d'absurdités, la Voie lactée s'est décrochée et leur est tombée dessus, afin de leur expliquer ce qu'elle savait de Galilée. Les anciens ont craint, quand le soleil accomplissait son périple et se couchait, qu'il ne revînt pas. Il fallait l'aider, pensait-on. On sait depuis Copernic que c'est la Terre qu'il faut aider. La révolution copernicienne a ceci de parfait qu'elle fait coïncider les deux significations du mot « révolution ». La Terre tourne autour du Soleil, c'est une révolution, car affirmer cela, c'est prendre tous les risques. Galilée, plus tard, paie chèrement ses affirmations. Il fait du « De revolutionibus orbium celestum » de Copernic, 1543, non pas une hypothèse comme son prédécesseur, mais une réalité. Il est condamné par le tribunal de l'Inquisition. Pourtant, la Terre bouge. Le mot « révolution » a aussi le sens de changements brusques et violents dans la structure politique et sociale d'un État. Révoltés par les réactionnaires, les satellites de Jupiter se sont précipités pour défendre celui qui les avait découverts. Galileo Galilei. Galileo Galilei. Dire que l'affaire Galilée pose un problème, toujours d'actualité, c'est exprimer une évidence. Alors ce problème, quel est-il ? Faut-il plier la réalité au dogme, que celui-ci soit religieux ou politique, ou bien faut-il adapter le dogme à la réalité ? C'est un immense problème, évidemment. Galilée est un exemple pour nous tous, une leçon pour nous tous, et une grande date dans l'histoire des hommes, dans l'histoire de la science et de la réflexion. C'est qu'il a dit, écoutez-moi, on m'explique comme un article de foi que le soleil tourne autour de la Terre, et bien moi je constate, je m'excuse, que la Terre tourne autour du soleil. Galilée condamné, Galilée réhabilité. Je voudrais qu'on ne parle pas de réhabilitation de Galilée, à vrai dire. Je voudrais que l'on parle d'abolir son procès. Effrayés par cette pluie d'astres célestes, les catholiques réactionnaires ont tenté de retourner leur veste. Sans succès. C'est sûr qu'aujourd'hui, il n'y a pas de honte à mettre un presse... Un petit capuchon de caoutchouc. Oui. Tout le monde peut mettre son... En France, on ose le dire. Mettez un petit capuchon de... Enfin, mettez-en. Merci beaucoup, Flora Bernard, pour cette parenthèse poético-burlesque au cœur de l'INA tendue, où se mêlent ici aussi la calotte et la capote. Cela dit, il est temps pour nous de décaloter la décapotable pour foncer en trombe vers notre décrochage régional. Voici donc nos actualités locales. Direction Gros Boule les Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace, à 11h33, rejoignons notre petit village fleuri où nous attendent Monique au balcon et Jean-Claude au tison. Avant tout, sache que ce matin, Monique, Jean-Claude et leur môme se sont levés de bien bonne heure puisque c'est Pâques et, comme chaque année, pour ce sacré week-end, ils se rendent en famille chez Yvonne et Alphonse, les parents de Monique, afin de gigoter et de flageoler en famille. Et puis, tous les ans, en ce saint dimanche matin, c'est l'occasion pour Jean-Claude de s'abandonner à sa grande passion, la préparation des œufs de Pâques, en compagnie de son fils Rémi. Regardez celui-là, moitié mauve et moitié jaune, et j'ai collé dessus une tête de mésange, j'assure. Je peux poser une question? Pourquoi on fait tout ça? Mais c'est parce que c'est Pâques. Ouais, d'accord, mais pourquoi on colorie des œufs? C'est pour que le lapin de Pâques puisse les cacher. Oui, mais pourquoi? Tu vois, parce que ça manque un peu de logique tout ça. Ce que je veux dire, c'est que quelque part, entre Jésus mourant sur la croix et puis un lapin géant qui cache des œufs, je trouve qu'il n'y a pas de continuité logique. Contente-toi de teindre tes putains d'œufs! Je veux pas colorier des œufs si je comprends pas pourquoi! Oh, mais qu'est-ce qu'il lui prend encore? Il grandit tout simplement. Il doit se douter que le lapin de Pâques n'existe pas. Oui, Monique se rend bien compte que ses mômes deviennent grands et pose des questions de plus en plus pertinentes. Ainsi, par exemple, quand Jean-Claude croit une fois encore avoir trouvé la solution face à la guerre de récession, eh ben, c'est pas gagné. Dis donc, j'ai une idée. Si on prenait un œuf pour se lancer dans l'élevage, comme ça, on aura tous les œufs qu'on voudra. Ah, ouais, d'accord. Mais c'est une poule qu'il nous faut, alors. Alors, ce qu'il nous faut, c'est un œuf. Il nous faut un œuf. C'est de l'œuf que viendra la poule. Ah ouais, d'accord. Mais sans poule, qui c'est qui va faire l'œuf? La poule que l'œuf avait faite. Ah ouais, mais pour faire une poule, faut avoir un œuf. Ben oui, mais il faut d'abord que la poule fasse l'œuf. Et puis l'œuf fera la poule. Ah ouais. Attends, on peut reprendre depuis le début? En effet, ces histoires d'œufs et de poules demeurent un peu compliquées. Mais peu importe, Pâques, c'est surtout l'occasion pour toute la famille de se lancer dans cette incroyable chasse aux œufs qu'organisent chaque année Yvonne et Alphonse, les parents de Monique, car ça leur fait tant plaisir de voir leurs petits-enfants gambader dans le jardin. D'ailleurs, Monique et Jean-Claude se laissent entraîner par ce jeu un peu cloche. Attends, c'est une journée pour les enfants, donc bon, les adultes se mettent un petit peu en arrière et puis on va tâcher de faire en sorte que ce soit une journée mémorable. On est bredouille. Non, on n'a pas trouvé rien du tout. On n'a rien trouvé. Je reviendrai plus. Les gosses sont hyper déçus, il n'y a rien, en fin de compte. Les enfants, ils pleurent, ils ont froid, ils ont faim, donc on va vite rentrer. Résultat, on va chez le boulanger et on est au moins sûr de ressortir avec un œuf. Vous avez raison, Monique. Chez le boulanger, on est au moins sûr de ressortir avec un œuf. Il faut dire qu'Yvonne et Alphonse cachent si bien leurs trésors ovoïdaux qu'il est parfois bien difficile de les dénicher. Mais Jean-Claude s'acharne. Et il est coincé derrière la cuisinière. Ben, elle essaye de le prendre doucement et il est complètement coincé derrière. Eh ben oui, parce qu'il y a pas de tir à la cuisinière, t'es assez fort quand même. Oui, ben, ouais. Tu veux pas que je m'enlève avec ma gorge? Non, je peux pas parler déjà. Ben oui, t'entends pas. Mais recouche-toi d'abord. Je suis pas mal. Tiens. Ben tout mouillé, tout pelé. C'est pas grave, t'es des mouillé, t'as qu'à prendre la douche. Vraiment pas facile, cette chasse à l'œuf en ce matin du dimanche de Pâques. Jean-Claude déplace donc la cuisinière pour en retirer l'œuf tant recherché. Il se démet une vertèbre, il se luxe un muscle, mais réussit enfin à dégager le précieux coco, sans doute caché là depuis des lustres. Vous savez ce que c'est? C'est un œuf de dinosaure. Les dinosaures se reproduisent. Mais... mon grand-père a dit que tous les dinosaures étaient des filles. L'ADN amphibie. La vie a trouvé son chemin. La vie a trouvé son chemin, mais Jean-Claude n'a toujours pas trouvé d'œuf en chocolat et il commence réellement à craindre un total discrédit dans le regard de ses mômes. D'autant que débarque dans cette histoire un certain Pascal, dont c'est le week-end tout de même, et ce Pascal... à la différence du Jean-Claude, il sait trouver les œufs de Pâques. Voilà, j'en ai ramassé 150 kilos à peu près. Vous voyez, dans les déchets, ben, on trouve des... il y en a des très gros. Il y en a qui sont abîmés, donc on les prend pas. Vous voyez. Il y en a même qui sont difformes, forme de cœur. Ah ben le cœur. Le cœur, j'ai le vœu. Monique récupère donc l'œuf en forme de cœur que lui offre Pascal. Un peu humilié de ne rien avoir pu ramener à sa belle, Jean-Claude décide alors de tenter le tout pour le tout. Il aura lui aussi son œuf de Pâques, même s'il doit cambrioler la boulangerie, ce qu'il décide d'ailleurs de faire immédiatement avec la complicité de Pascal. C'est là. C'est là, c'est là, on n'est pas sûr. Attendez, c'est exactement où le vieux nous a dit. Je suis désolé, c'est louche. Maintenant qu'on y est, on va pas rester devant. Attendez, on rame à chaque fois, et là, on trouve du premier coup, comme par hasard. Merde. Qu'est-ce qu'on fait, alors? Sans blague, je suis pas chaud. Remarquez, il y a une porte à ouvrir. Ouais, ok. Vous avez des outils? On les connaît pas, les outils qui ouvrent les portes. Ouais, mais vous avez des outils? Même qui ouvrent pas les portes? Non. J'ai ma chemise, mais c'est mou. J'ai peur que ce soit un peu trop mou. Bah, moi, j'ai une cuillère. Ouais, c'est pas mal. Ça ressemble à une fée. Merde, c'est ouvert. C'est quoi l'embrouille, là? Jeanne-Neige, je commence un peu à choper le traxir, là. Je suis pas d'accord, là, hein? Ouais, ouais, y'en a un qui nous fait un plan pourri, c'est sûr! Qu'est-ce qu'on fait, on se casse? Ouais, mais en même temps, c'est un peu con. Bon, une fois que c'est ouvert. Vous voulez quand même y aller? Bah, on avance un peu, et puis si ça pue vraiment, on revient. Moi, je crois qu'on fait une connerie. Et même s'il pense faire une connerie, Jean-Claude entre dans la boulangerie dans l'espoir criminel d'y dérober un œuf en chocolat mouse. Sauf que, par définition, un boulanger se lève avec les poules. On voulait voler mes œufs, à ce que je vois. Mais le coq a un bec. Un bec pour pousser un mort cocorico. Mais vous êtes des femmes? Pas moi. Non, sans doute, mais vous êtes une rondeur bien séduisante. Eh bien, j'essaie d'avoir du bon temps. Voilà ce que je vous propose. Vous me rendez mes œufs et je vous laisse partir. Dites-moi que je suis pas gros. Mais non, Jean-Claude n'est pas gros. Et il le sera d'autant moins cette année qu'il n'a pas réussi à trouver un seul œuf de Pâques en chocolat, car ce week-end, tous les mômes du quartier, accompagnés de cet étrange Pascal, ont tout ramassé. Et ça, pour Jean-Claude, se voir privé de son trésor, il n'a pas pu le supporter. Je t'avais dit qu'il était perfide. Je t'avais dit qu'il était faux. Sale petit hobbite, ils nous l'ont volé. Non, non. Qu'ont-ils volé? Mon précieux. Il est à nous. Ils nous l'ont volé. Sale sournois petit hobbite. Mauvais, perfide, faux. Ils vont te duper, te faire du mal, te mentir. Tu n'as pas d'amis. Personne ne t'aime. Tu es un menteur et un voleur. Alors maintenant, toujours en direct avec toi, après avoir découvert l'ensorcelante chasse aux œufs de Pâques que viennent de vivre à l'instant Monique et Jean-Claude, il est temps dès à présent, à 11h42, de retrouver notre petit reportage Made in Panic, consacré cette semaine au bizarroïde rassemblement du 32 mars. Oui, chaque année, à Roubaix, le 32 mars, autrement dit le 1er avril, se déroule l'incroyable parade mondiale des nains de jardin. Alors, vois-tu, en écho à la célèbre course cycliste Paris-Roubaix qui se tient aujourd'hui, notre facétieux reporter, monsieur Julien Dugast, s'est élancé lui aussi sur ce trajet jeudi dernier pour aller rencontrer monsieur Didier Lejeune, libraire, mais surtout créateur de ce curieux défilé de nains. À l'origine, il s'agissait de symboliser la lutte entre les commerçants de proximité et les géants de la grande distribution qui se sont installés dans la région. Mais ce mouvement du 32 mars s'inscrit avant tout dans une démarche totalement absurde qui, sans aucun doute, n'aurait pas déplu à la Société des Loufoques créée par Pierre Dac sur les antennes de l'ORTF en février 1953. Ainsi, chers amis, juste après la virgule, de Paris, rejoignons Roubaix et, sous les pavés, découvrons les nains. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre originalité déjà? Pourquoi j'ai pris le train pour venir vous voir? Eh bien, mon originalité, je pense qu'elle est liée au fait que je fais défiler des nains de jardin dans les rues de Roubaix depuis maintenant 6 ans. C'est une originalité qui, pour moi, est toute relative, mais je vois que ça étonne beaucoup les gens. Et effectivement, ces nains de jardin viennent parfois d'assez loin. portés par leurs parents. Et ils sont assez peu loquaces, mais je dois dire que je les connais un peu maintenant et je pense qu'ils sont très heureux de défiler une fois par an dans les rues de leur bonne ville. L'année dernière, ils sont venus sur la Grand Place de Lille parce qu'ils voulaient voir un petit peu le monde extérieur et je leur ai promis pour la 10e édition de défiler aux Champs-Élysées. Comment ça vous est venu, cette passion, je ne sais pas si on peut dire cette passion pour les nains de jardin, ou en tout cas cette lubie? C'est une blague, c'est-à-dire qu'à Noël 2003, j'étais libraire et un ami m'a offert une petite statuette de 22 cm de haut qui s'appelle Didier Deslizières, Didier étant mon prénom et Deslizières étant le nom de la librairie où je travaillais. Et cette petite statuette qui est le plus petit géant porté du monde, parce que vous savez que dans la région Nord-Pas-de-Calais, il y a plus de 400 géants, et qu'un vrai géant, c'est celui qui n'est pas sur roulette, mais qui est porté. Et donc ce petit personnage a émis le désir de se promener dans la ville de Roubaix. Viens jouer avec nous. Viens jouer avec nous. À jamais. À jamais. Ah, du coup, on l'a fait promener au printemps, c'est-à-dire le 1er avril. Mais comme le 1er avril, ça pouvait sembler être une blague, on l'a fait sortir le 32 mars. Et avec qui? Ses amis? Bah, ses amis, c'était qui? Des nains de jardin, forcément, vu sa taille. Ce ne sont pas des vrais nains, ce sont des nains de cinéma américain qui ont un petit peu édulcoré justement nos amis les nains de jardin. Les vrais nains de jardin, ils ont d'abord tous un bonnet rouge, ils n'ont pas des bonnets multicolores et ils ne sont pas toujours aimables ou sympathiques. Et on voit notamment en Allemagne, ils sont très kitsch, mais des fois ils sont méchants, ils peuvent faire peur. Debout les nabots de la terre, debout les minus des jardins, nains des bordures et des lisières, nous ne sommes tous, soyons rien. Du passé, faisons barbe rase et des simplets la la et tout. Si je tenais l'enfant gredin qui m'a volé mon nain de jardin, je lui ferais passer le goût du pain, je lui ferais passer le goût du pain. J'ai une théorie que je suis en train de développer. Je pense qu'en fait, les nains de jardin sont des extraterrestres. Et je pense que, en fait, les statues de l'île de Pâques sont des nains de jardin. Et je serais pas loin de penser maintenant, dans mes recherches, que la disparition des dinosaures, c'est peut-être à cause des nains de jardin qui sont venus et qui ont exterminé les dinosaures. Ces petites bêtes auraient exterminé des dinosaures. Voilà. Mais vous n'aviez jamais pensé au fait que les statues de l'île de Pâques étaient des nains de jardin? Des gros nains de jardin, alors? Oui, mais des extraterrestres, il y a des grosses planètes. C'est un conte pour les enfants. Eh bien, voilà une véritable enquête d'investigation qui nous permet enfin ce matin de résoudre un mystère séculaire. Ces fascinantes statues de basalte, paumées au milieu de l'océan Indien, seraient en réalité des nains de jardin. Bon, il n'est pas certain non plus que le navigateur hollandais Jacob Roggeveen y ait immédiatement pensé lorsqu'il a découvert cette île le jour de Pâques, le 5 avril 1722. Cela dit, pour finir, et beaucoup plus proche de nous, sache qu'il demeure de nombreuses énigmes liées aux nains, mais qui n'ont jamais été résolues à Nancy, par exemple. Pierre Lerouzic, une nouvelle de Nancy. Le gang des nains vient de lancer une nouvelle offensive dans les faubourgs de Nancy. Oui, on appelle en effet gang des nains des voleurs qui se font remarquer à la fois par leur agilité, leur manque de scrupules bien sûr, puisqu'ils sont voleurs, et leur petite taille, puisqu'ils réussissent à se faufiler entre des barreaux, à se glisser par des cheminées, et à entrer par des vasistas qui normalement ne devraient laisser passer qu'un chat. 5 commerçants de la banlieue de Nancy ont fait les frais de cette nouvelle offensive et je me permets de vous signaler que si vous allez à Nancy et que si vous mesurez moins d'1m50, eh bien les policiers de la ville risquent de vous regarder d'un œil soupçonneux. Vous allez au papier ? Ding, ding, ding, dindon, à le joyeux carillon. Il y a un clocher chez nous. Il y a un clocher chez nous. Dont le carillon est si doux. Dont le carillon est si doux. Que toutes les filles du village veulent entendre son doux langage. Ding, ding, ding, dindon, à le joyeux carillon. Marie Margoton et Susan. Marie Margoton et Susan. Aiment tant ce doux carillon. Aiment tant ce doux carillon. qu'il faudrait pour les satisfaire, que monsieur le curé puisse tout faire. Digne, digne, digne d'Adam, allez, joyeux carillon. Heureusement pour le curé, heureusement pour le curé, son vicaire est gras et carré, son vicaire est gras et carré, et qu'il est là pour satisfaire quand monsieur le curé ne peut plus faire. Digne, digne, digne d'Adam, allez, joyeux carillon. Bientôt le bougre n'en pouvant plus, le sacristain prit le dessus, et tout bouillant, rempli de flammes, carillonnait toutes ces dames. Ding, ding, ding, dadon, à le joyeux carillon. Oui, mais le sacristain mit bas, pour soutenir le branle-bas, c'est le bedeau à rouge trogne qui fut chargé de la besogne. Ding, ding, ding, dadon, à le joyeux carillon. Mais le bedeau, vite épuisé, se retire là, rompu, usé. On fit alors venir les chantres qui souvent se brossaient le ventre. Ding, ding, ding, dadon, à le joyeux carillon. À le joyeux carillon. Ces gaillards-là, frais et moulus, la la la la la la la la, pour travailler se mettaient tout nus, la la la la la la la la. Ce fut alors une musique à faire trembler toute la boutique. Ding, ding, ding, dadon, à le joyeux carillon. Marie Margoton et Suzon aimaient tant le beau carillon qu'elles pendaient à la corde usée pour avoir toute la volée. Ding, ding, ding, dadon, à le joyeux carillon. Les petites rouges de bonheur acceptèrent les enfants de cœur, mais ils n'avaient que de la ficelle, on leur fit tenir la chandelle. Ding, ding, ding, dadon, à le joyeux carillon. Ding, ding, ding, dadon, à le joyeux carillon. Les cloches de chez nous. C'était Colette Renard en 1971. Jamais la dernière pour se taper la cloche. Je suis trop partagée. À la fois, je trouve ça... Enfin... Oui, je suis un petit peu d'accord avec toi, Sylvie, dans le sens où elle n'est pas mauvaise. Oui, oui, mais elle a rien de rare. Voilà, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vraiment donner de la confiture au cochon, hein. La prochaine fois, achète des conserves au supermarché du coin, elles verront même pas la différence. Alors maintenant, à 11h51, nous accueillons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, M. Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade ? Eh bien, cette semaine, la presse a été fortement marquée par le sondage paru mardi dernier dans Le Parisien Aujourd'hui en France, qui nous apprend que près de la moitié des Français trouvent acceptables les séquestrations de patrons par des salariés qui protestent contre les fermetures d'usines. Voilà, c'est la nouvelle peur du patronat et aussi sans doute des directions syndicales, le réveil des salariés. Bon, alors, ils ont la chocotte, les grands patrons, ils ont lu le résultat de ce sondage, mais heureusement, ils n'ont pas lu un autre article publié sur la version en ligne du magazine Science et Vie. Mmh. Ah, excusez-moi Philippe, j'entends une remarque de Jean-François de Dijon à côté de son poste. Oui, parce que nous le rappelons, hein, nous entendons tout ce que vous dites à côté de votre transistor. Donc Jean-François demande si Science et Vie, c'est la gazette des urologues. Non Jean-François, non, il s'agit du magazine de vulgarisation scientifique qui nous raconte que le 30 mars dernier, au large de l'île de Luzon, la plus grande île de l'archipel des Philippines, des pêcheurs ont capturé un méga chasma pelagios, plus connu sous le nom de requin à grande gueule, à une espèce très rare découverte en 1976 et dont seuls 41 spécimens ont été capturés depuis. Donc le requin à grande gueule n'est pas méchant. Mmh. Non, et moins méchant qu'un patron du CAC 40 parce que le requin à grande gueule se nourrit de plancton et de méduses, hein, et non pas de stock options et de bonus. Les pêcheurs philippins ont donc capturé ce gros requin hyper rare. Et ils l'ont mangé. Voilà, donc à la casserole, le gros requin séquestré dans les filets. Voilà, donc Philippe, la presse, vous l'avez compris, se mobilise cette semaine pour venir en aide aux patrons séquestrés. J'entends une remarque d'Aminata, excusez-moi, de Belfort, oui, qui se réjouit que les médias ne parlent pas d'otages. Oui, parlant de ses patrons, ça nous change du classique, les usagers pris en otage. Dès qu'il y a une grève, c'est sûr, c'est ça, plus nuancé. Ouais, c'est plus nuancé. Donc la presse se mobilise. Par exemple, le magazine Prima Maison du mois d'avril offre plusieurs dossiers aux grands patrons pour les préparer à l'arrivée des salariés légitimement grognons. Alors déjà, dans Prima Maison, on a plusieurs pages consacrées à la manière de bien recevoir, avec de jolies rubriques au titre évocateur, comme par exemple « Ça va chauffer », consacré aux plaques chauffantes, ou encore « Le café s'impose », bah oui, parce que les nuits sont longues hein, quand on est bloqué au taf. Mais alors surtout, il y a un dossier « Relouque ton bureau », et donc le magazine Prima Maison a demandé conseil aux plus grands spécialistes des situations difficiles, à celles qu'on appelle quand il n'y a plus aucun espoir. Sandrine Dominguez, l'inoubliable présentatrice de Fort Boyard. Il n'en fallait pas moins pour se préparer à la venue des salariés en colère. Alors Sandrine nous conseille de choisir un style industriel, égayé par quelques notes de couleur pour créer une pièce accueillante et agréable. Ça fait plaisir. D'accord, mais quand on regarde de près la photo du bureau que Félindra, tête de tigre, vient de décorer, on voit qu'au mur, il y a dans un joli cadre l'affiche du film La loi du milieu, avec Michael Caine. Donc la loi du milieu, hein, pour un bureau de patron, c'est parfait. Voilà, ami grand patron, tu peux lire Prima Maison pour rendre ton bureau accueillant. Et pour faire face aux situations de crise sociale, le mieux, c'est sans doute de se plonger dans le dernier numéro du magazine Girls. C'est Girls, très important, qui nous apporte des conseils essentiels pour gérer les séquestrations. Alors, bah, déjà, il y a ce dossier intitulé « Ah, quand les mecs insistent !» avec ce sous-titre « Comment les calmer ? » Eh oui, grande question pour les patrons en ce moment. Hein. Comment les calmer ? Excusez-moi, j'entends une remarque qui vient du bon sens. Oui, pour les calmer, il faut faire une redistribution équitable des richesses. Il faut éviter que le patron se verse des augmentations mirobolantes. Et il ne faut pas licencier quand l'entreprise fait des bénéfices. Pas gauchiste encore, ça. Donc, le magazine Girls complète son dossier « Quand les mecs insistent » par un autre dossier intitulé « Quand les soirées dérapent ». Alors cette fois-ci, on a des astuces pour éviter que tout parte en vrille lors des négociations, ou tout au moins quand le patron accepte les négociations. Alors l'article donc s'inspire de témoignages de Leslie et d'Amandine, des prénoms inventés, nous dit le magazine. Et quels conseils donne Girls pour pas que les soirées dérapent ? Eh bien déjà, demander à un grand frère sympa et à son pote musclé de s'occuper de la porte d'entrée. Bon, donc un préfet avec quelques CRS hein, feront parfaitement l'affaire. Puis, surtout, il faut bien faire attention aux drogues que l'on pourrait verser dans les verres. Ah oui. Ah oui, ce serait couillon hein, d'être sous acide et de se mettre d'un coup à moraliser le monde du travail. Allez, pour terminer, une brève très rapide là, parue dans Libération de mardi dernier, le 7 avril, qui nous éloigne un peu des requins et des urologues. Et pas tant que ça, puisque nous restons dans l'océan de la bourse. Parce que Libé nous apprend qu'en Grande-Bretagne, il est difficile de commander un certain poisson, le pollack, tout simplement parce que le nom de ce poiscaille ressemble phonétiquement au mot « bollock », qui signifie « testicule » en argot. Ah, j'entends une remarque d'Astrid de Bordeaux qui nous dit qu'elle pensait que « bollock », ça voulait dire « couille ». Oui, on a aussi Baloche, Astrid, mais ce n'est pas le sujet. Donc, pour éviter toute confusion chez le poissonnier et surtout pour faire en sorte que la commande ne parte pas en quenouille ou en bollock, une chaîne de distribution britannique a décidé d'abandonner le nom anglais de ce poisson pour lui donner son nom français, le Colin. À vous, Philippe. Merci, Monsieur Maudit, pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, cher ami, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 158e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était les actualités revues et corrigées par la bande de furieux du Mange à Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche, à 11h et en direct sur France Inter pour de nouvelles aventures archiloufoques et total foutraque, bien sûr. Panique au Mange à Palace, c'est une émission coécrite, c'est les doigts dans la prise, avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, Monsieur Xavier, au platine, au montage et à la réalisation. Il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M Henri Marc Mutel. Merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Rémi Quincé et de Pierrick Monsigny. Merci beaucoup à vous deux, c'était parfait encore une fois. Pour toute la documentation et la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaujolais et Elsa Denac. Pour les scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires, ainsi qu'au formidable documentaliste de l'INA. Voilà, pour toutes les informations supplémentaires, la panique au Mangin Palace, procède d'un site internet sur franceinter.com.